Le 29 août s'est déroulée à la Maison de la Culture 25 avril à Pyongyang la représentation conjointe de la troupe artistique Tsongbon et de la chorale d'État émérite pour féliciter les participants à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung. Y ont assisté Choi Ryong-hae, Kim Gi-nam, Kim Sugil, Kim Nong-on, Park Tae-sung et Lee Il-hwan, chef de département du comité central du Parti du Travail de Corée, Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse. Sur la scène ont été montés des numéros variés, notamment la musique d'orchestre et le chœur masculin « Nous lui resterons toujours fidèles », le solo vocal et l'ensemble féminin « Je resterai ton digne fils », la musique légère « Le train à destination du front », le chœur masculin et l'ensemble féminin « Nous irons en Mombektu ».